OK. Le psaume 37, et nous allons lire et concentrer ce matin sur tous les sept premiers versets. J'aimerais... Oui, je l'ai mentionné, oui. Prions ensemble. Seigneur, nous te remercions pour la façon que Moïse et Romuald nous a introduits dans la louange en communauté ce matin. Merci pour ces chants. Merci que le souffle de ton esprit est présent parmi nous et aussi dans notre quartier. Et Seigneur, maintenant, nous te demandons d'être présent et de nous éclairer de ce texte pour que nous puissions savoir comment vivre ce texte cette semaine, autant dans notre communauté que dans notre milieu de travail, qu'aussi dans nos différents milieux. Seigneur, nous voulons être à l'écoute de ton esprit ce matin, comme nous avons chanté. Et nous prions ceci au nom de Jésus. Amen. En guise d'introduction ce matin, j'aimerais contextualiser le psaume 37 de deux façons. J'aimerais, dans un deuxième temps, le contextualiser comme on a fait depuis le mois de mai lorsqu'on a étudié chaque psaume. On a essayé de comprendre le psaume dans le contexte. Donc, comme Yann a fait pour nous lorsqu'il a fait le psaume 23, on a mieux compris, on comprend mieux maintenant qu'est-ce que c'est qu'un berger. Et on va faire cela ce matin avec ce psaume qui est intitulé « Un psaume de David ». Mais j'aimerais le contextualiser dans un premier temps en sollicitant de vous votre réaction autant émotionnelle que cognitive ou cérébrale face à trois situations contemporaine que nous vivons autant à Montréal que dans le monde aujourd'hui. Et je vais mentionner trois scénarios et j'aimerais que vous me répondiez aussi vite que possible. Comment est-ce que vous réagissez émotionnellement ou cognitivement? OK, premier scénario. Si je vous dis une corne orange, comment réagissez-vous? Un cône? Un cône. Excuse, est-ce que j'ai dit cône? Cône. Un cône orange. Comment est-ce que vous réagissez? Ah! Tanné. Ah! Frustré. Quoi? Ralenti. OK. OK, voilà, voilà. Hier, dans la presse, il y avait aussi les nouvelles sur la Syrie et le régime de Assad. Comment est-ce que vous réagissez? Quand vous écoutez les nouvelles depuis la Syrie, comment est-ce que vous réagissez? Daniel. Voilà. Michael. OK. Plus fort, Michael. OK. OK, il y en a... Oui, oui, les deux réactions, c'est bien. Ce que Daniel dit, mais aussi il y a un peuple qui se tient debout devant un régime injuste. OK. D'autres réactions. Mais c'est comment qu'on réagit? Oui, comment est-ce qu'on réagit? OK, ouais. OK. Oui, oui, oui, oui, oui. Troisième scénario. Les nouvelles cette semaine dans la presse. Tony Accurso arrêté de nouveau. Comment avez-vous réagi? Daniel. On est en train de faire sa place. D'autres réactions? Okay. D'autres réactions? Ha ha ha ha! Merci, Sandy. Ouais, voilà. Voilà. Ce que le psalmiste a dit dans les deux premiers versets sont aussi actuels que jamais. Il y a les méchants qui réussissent, il y a ceux qui font le mal, qui avancent, et le psalmiste, il nous dit de réagir des fois comme on n'est pas capable de réagir devant les cônes oranges, le régime d'Assad ou devant la corruption dans notre société. Et ce matin, on va explorer comment réagir quand tout indique que les méchants réussissent, que le mal s'avance. Quand on se sent petit, lorsqu'on voit une autre cône orange et on dit comme Yann a bien réagi, oh, pas encore. Comment réagir spirituellement? Comment réagir bibliquement lorsqu'on se trouve dans ces cul-de-sac de la vie? Donc, ma deuxième réflexion préliminaire. Qu'est-ce que c'est le psaume 137? Pas 137, 37. Tout d'abord, nous voyons qu'en italique, et comme j'ai dit depuis le début, ce qui se trouve dans l'italique au début est très important. On appelle cela la suscription. Et c'est très simple ici. De David. On est toujours dans le premier livre du psaltier. Et comme on a vu dès le début, la vaste majorité, sinon la totalité, dans les psaumes 1 à 41, ont été écrits par David, qui indique qu'il était un excellent poète, un excellent auteur et probablement un très bon chansonnier à la manière de Romuald ou de Yann. Une deuxième chose que nous pouvons dire, si vous étiez ici la semaine passée, vous allez vous rappeler que Danielle Morin a dit qu'elle avait beaucoup de difficultés de prononcer un mot qui est important dans le psaltier. Le mot « un acrostiche ». Et Danielle, en partageant ce qu'elle a appris dans les psaumes, elle a appris pour la première fois qu'il y a 8 psaumes qui ont été inspirés de l'alphabet hébreu. On a étudié le psaume 145 sur la louange qui a été écrit de cette façon-là. Le psaume 119, le psalmiste a pris l'alphabet, mais il a intitulé chaque section de 8 versets selon l'alphabet. OK, David a fait la même chose ici. Il a pris l'alphabet hébreu. Donc, le premier verset commence avec la première lettre de l'alphabet hébreu, Aleph. Le deuxième verset commence avec « Bet ». Le troisième verset commence avec « Gimel », etc. jusqu'à la fin de l'alphabet où il a utilisé le mot « Tau » qui est la dernière lettre de l'alphabet hébreu. Maintenant, pensez-y. Si je vous invite de rédiger un chant ou un poème en français avec les 24 lettres de l'alphabet français. 26. J'ai fait cette erreur la dernière fois aussi. 26 lettres. Ça prenait du temps. Mais aussi, il faut être très créatif. Et voici ce que David a fait. Il s'est inspiré de l'alphabet hébreu pour rédiger le psaume. J'espère que vous avez noté, en écoutant Romuald lorsqu'il a lu les 7 premiers versets, les 7 premières lettres, que chaque verset est court. En quelque sorte, David parle le psaume. Il veut instruire, il veut éduquer, il veut enseigner au lecteur dans la première personne singulier ou dans la deuxième personne singulier. Donc, il vise l'individu par les phrases courtes, par beaucoup de répétitions. Il y a un enseignement qu'il veut communiquer. Mais il le fait de façon très facile de rappeler. Parce qu'il y a quelque chose de très important à communiquer. Et qu'est-ce qu'il veut communiquer? Il veut souligner la sagesse. Et le psaume 37, oui, c'est une acrostiche, mais c'est un de 4 ou 5 psaumes que nous pouvons facilement insérer dans les proverbes. Et ici, nous voyons qu'il y a vraiment un jumelage entre les psaumes et les proverbes. Un proverbe veut montrer qu'il y a, ou démontrer, qu'il y a un lien étroit entre un acte et ses conséquences. Et dans le psaume ici, le psalmiste veut communiquer par les phrases courtes un enseignement très ponctuel, répété selon l'alphabet, comment garder, comment se garder dans le pays et comment ne pas le perdre. Maintenant, vous dites, le pays? Mais c'est là où il faut que nous nous mettions dans le contexte hébreu du psaume. 5 fois dans le psaumiste David va parler du pays. Regardons ces versets. Tout d'abord, le verset 8 et 9. Laisse la colère, calme ton courroux. Ne t'irrite pas, car en fin de compte, tu feras le mal. Or, qui fait le mal sera retranché, tandis que tous ceux qui en l'Éternel ont mis leur espoir auront le pays comme possession. Versets 10 et 11. D'ici peu de temps, finit le méchant. Tu demanderas où est-il passé, il ne sera plus. Mais ceux qui sont humbles auront le pays comme possession. Ils jouiront d'une profonde paix. Le verset 22, c'est le troisième incident. Ceux que Dieu bénit auront le pays comme possession. Les versets 28 et 29. Car l'Éternel aime ceux qu'en suit le droit, et ceux qui le servent ne seront jamais délaissés par lui. Ils seront gardés éternellement, mais les malfaisants seront supprimés. La postérité de tous les méchants sera retranchée, tandis que les justes auront le pays comme possession. Et finalement, dans le verset 34, attends-toi à l'Éternel et suis le chemin. Il te recommande. Il te honorera par la possession de tout le pays. Donc, le but de ce psaume, en utilisant l'alphabet, avec un enseignement très court et ponctuel, David veut communiquer la sagesse sur comment avoir le pays en possession. Et le psalmiste veut dire qu'il y a un lien entre tenir le pays en possession et Dieu, sa gouvernance et ses buts. Mais on ne peut pas posséder le pays par nous-mêmes, selon nos propres buts, nos propres moyens, par nos propres lois, qui veut dire que nous ne sommes pas autonomes. Nous ne sommes pas les gens qui peuvent agir comme des agents libres. La vraie sagesse afin d'habiter dans le pays, c'est de suivre les intentions de Dieu. Donc, le psaume enseigne que si vous pratiquez un comportement, un vécu, une vie selon les normes de Dieu, vous allez habiter le pays. Mais notez bien, le psalmiste utilise le mot pays et pas le mot terre, qui veut dire qu'il y a une expérience quotidienne avec Dieu et son projet où nous sommes ses intendants. Et le psalmiste veut enseigner au premier lecteur, si vous voulez avoir le pays comme possession, il y a un comportement qui est exigé. Mais maintenant, vous allez dire, mais Glenn, on est dans, c'est le 12 août 2012. Le pays d'Israël à l'époque de David, c'est tellement différent que le Québec aujourd'hui. Quel est le lien? J'arrive. Mais faisons le psaume d'abord. Et ensuite, on va voir comment contextualiser cette notion du pays dans le psaume 37 aujourd'hui. OK. Avec cela comme les deux contextualisations. Contextualisation Québec 2012, contextualisation du psaume, quand David l'a écrit avec l'acrostiche, un psaume de sagesse orienté vers un comportement quotidien pour avoir le pays en possession. Maintenant, qu'est-ce que le psalmiste a dit? Et il nous met devant son contexte tout de suite dans les versets 1 et 2. Et il dit très clairement quelque chose de très étonnant. Quand vous êtes devant les méchants, quand vous êtes devant ceux qui font le mal, ne soyez pas irrités, ne soyez pas, comme on dirait en bon québécois, en bon maudit. Parce que le psalmiste dit, ils vont sécher comme l'herbe en plein été, ils vont fondre comme la neige en plein printemps. Donc, pour ainsi dire, le psalmiste commence avec un contexte très réel, mais avec une promesse. En soi, on peut dire, David, bonne chance. Je suis pas fait de même. Quand moi je suis devant une haute cône orange, j'en peux plus. Quand je vois la corruption autour de moi, franchement, des fois, si je vais dans une autre nettoyeur et le propriétaire me dit, Glenn, est-ce que tu payes cash ou est-ce que tu veux une facture? Des fois, j'ai le goût de vouloir l'étrangler. Quand je vois comment notre société est orientée vers la corruption, je dis, David, c'est bien beau ce que tu dis, mais c'est pas du tout ma réalité. Et ça, c'est le contexte dans lequel il commence. Mais il n'arrête pas là. Et ce matin, nous allons simplement concentrer sur les versets 3, 4, 5, 6 et 7, pour souligner ce que moi je vais appeler quatre principes d'engagement. Ou, si vous voulez, quatre règles d'action pour faire face au phénomène des cônes oranges, pour faire face à la corruption autour de nous. J'opte pour les principes d'engagement, pour cette raison. Si vous suivez des fois la politique étrangère, soit la politique étrangère du Canada envers le monde, ou si vous suivez le discours de président Obama face à l'action américaine dans le monde, souvent les gouvernements vont parler de leurs principes d'engagement. Et par cela, ils veulent dire, avant de faire quoi que ce soit, voici nos principes d'action. Donc, un des principes d'engagement du Canada, c'est que nous sommes un petit pays avec une petite armée. Donc, un de nos principes, c'est que nous voulons toujours envoyer les casques bleus pour maintenir la paix. Donc, nous voulons aller là où il y a les problèmes et nous voulons être les artisans de paix. Ça ne marche pas toujours, mais c'est un principe. Et aujourd'hui, comme nous voyons en Syrie, les pays occidentaux n'ont presque pas de principe d'engagement parce qu'ils ne savent pas quoi faire. Mais devant le mal, devant les méchants, David nous suggère quatre principes d'engagement. Quatre principes auxquels nous pouvons nous engager avant d'être obligé d'agir dans une situation où ceux qui font le mal réussissent ou ceux qui sont méchants font un autre coup. Comment allons-nous agir? Et le premier principe se trouve dans le verset 3. Mettre en l'Éternel, souligner l'adverbe, toute ta confiance. Le premier principe de l'engagement selon David, c'est lorsque nous nous trouvons devant les méchants et devant ceux qui font le mal, David dit, mettez votre confiance. Mettez votre espoir. Mettez votre... que Dieu soit l'objet de votre focus. Comptez sur lui. Le chrétien, quand il se trouve dans le train-train de tous les vies, de tous les jours, ne se concentre pas, ne fixe pas ses yeux, ni sur son foyer, ni sur sa famille, ni sur son compte en banque, ses REER, sa famille, ses loisirs. Mais le chrétien ou la chrétienne met sa confiance en Dieu, car Dieu s'engage toujours d'accomplir ses promesses. Dieu s'aligne toujours avec sa promesse. Et quelle est sa promesse? Ceux qui font le mal vont sécher comme le gazon en plein été. Ceux qui sont méchants vont fondre comme la neige en plein printemps. Donc, le premier principe, c'est que on va compter sur Dieu. Mais le psalmiste n'a pas arrêté là. Parce que dans ce premier principe, il ajoute, il a dit, « Fais ce qui est bien. » Et deuxièmement, il dit, « Demeure dans le pays. » Fais de votre demeure mon lieu. Et ensuite, il y a cette petite expression qui est de être en sécurité, qui est très difficile à traduire, mais pas difficile de comprendre. L'idée ici, c'est que prends la fidélité comme votre pâture. Donc, le psalmiste dit que quand je me confie en Dieu, la conséquence, c'est que je ne vais pas faire le mal. Je ne vais pas agir comme les méchants. Je ne vais pas poursuivre la corruption. Je ne vais pas exploser en colère. Je vais agir bien. Cette semaine, j'ai été en centre-ville très tôt, mercredi matin. Et j'étais dans le McDonald's à Carré-Philippe. Je prenais un petit thé avant d'aller dans une autre réunion. Et un chicane s'est poigné entre deux itinérants. Et à 6 heures du matin, un chicane entre deux itinérants, c'est pas beau. Oh, ils s'engueulaient, c'était pas beau. J'ai pensé que le gérant du McDo allait être obligé d'intervenir. Moi, j'ai resté calme. Je me suis occupé de mes propres affaires. J'étais en train de lire le journal. Quand j'ai quitté, un de ces itinérants a commencé de crier auprès de moi. Un tel point où j'ai eu un peu de peur. Donc, à un moment donné, il a commencé de courir auprès de moi. Et j'ai aperçu, j'ai dit, « Oh boy, il est probablement soit un toxicomane ou il a été délaissé de l'hôpital psychiatrique. Il n'est pas de bonne humeur. » Donc, j'ai décidé de ne le pas confronter, mais j'ai essayé calmement de quitter le lieu. Finalement, il est venu et il m'a poussé. Et je me suis dit, Glenn, marche tranquillement, mais rentre dans un autre restaurant. Mais en dedans de moi, j'étais fâché. J'ai rien fait. C'est pas ma faute. C'était pas mon engueulade. Je voulais pas. J'ai dit, Glenn, respire par le nez. Finalement, il est parti. Un petit incident, mais mes amis, lorsque nous nous trouvons devant les situations dans la vie, écoute, on est sur l'autoroute, trois voies devient deux voies, devient un voie, il y a un embouteillage, qu'est-ce qu'on a le goût de faire? Klaxonner! Au chauffeur, on va se plaindre du gouvernement. Non, non, non. Mes amis, spirituellement, respirons par le nez. Mettons notre confiance en Dieu et agir bien. Mettons et trouvons notre sécurité en Dieu parce que Dieu promet de prendre soin de nous. Dans des, l'image ici, dans des pâturages vertes. Donc, la première action, le premier principe, c'est de nous confier en Dieu. Le problème qu'on a à l'heure actuelle, c'est lorsqu'on voit la corruption, notre première réaction, c'est de dire, je paie déjà assez de taxes. Je ne vais pas payer plus de taxes. Si à Curso, ils réussissent, ouais, et quoi? C'est quoi? Si je ne paie pas le TPS, le TVQ au nettoyeur, c'est rien en comparaison avec la façon que lui, il vole le fisc. Et on agit mal. Mais lorsque nous nous confions en Dieu, on est en train de faire la première geste contre le mal. Parce qu'on dit, il y a quelqu'un plus grand que Tony Accurso. Il y a quelqu'un plus grand que le ministère des Transports. Il y a quelqu'un plus grand que la FLQ. Il y a quelqu'un plus grand que M. Charest, Dieu merci. Dieu est en contrôle. Et un acte de se confier en Dieu est un acte radical devant le mal. Le deuxième principe, principe d'action ou d'engagement dans ce texte, se trouve dans le verset 4. En Dieu, mette ta joie et il comblera les vœux de ton cœur. Mais nous nous souvenons souvent ce verset par « Fais de l'Éternel » tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Tout d'abord, la deuxième action veut dire que je vais mettre ma joie, ma source de vie, mon plaisir, ma sécurité en Dieu. Je vais me réjouir. Je vais dire, Dieu, je suis ravi d'être dans ta présence. Dans ta volonté, dans ta personne, dans tes désirs. Et les résultats? Oh, on aime beaucoup la deuxième partie de ce verset. et il te donnera ce que ton cœur désire. On aime énormément 4B. Mais mes amis, maîtrisons 4A avant 4B. Parce que vous comme moi, nous avons appris que souvent quand je trouve ma joie, quand je mette mes délices en Dieu, il change mes désirs. Et il fait de ses désirs mes désirs. Et tout d'un coup, je trouve ma joie en lui. Mais maintenant, avec ces deux premiers principes, nous voyons la tactique du psalmiste. Parce qu'une obsession avec les ennemis ne peut être jamais oubliée. Une obsession avec ceux qui réussissent de façon méchante et de façon injuste. Je ne peux pas simplement dire « off ». Ça me cherche. Ça m'énerve. Je me souviens, quand j'utilise l'exemple d'un nettoyeur, ça vient d'une réalité pour moi. Parce que Sandy et moi, nous habitons le même quartier depuis 26 ans. Et il y a un nettoyeur dans notre quartier qui est là dès le début. Et nous sommes maintenant rendus au cinquième propriétaire de ce même nettoyeur. Celui que je connaissais le mieux, c'était Vortan. Il était un chic type. J'ai cheminé avec lui et même à un moment donné, il a décidé de se marier avec, avec sa conjointe qui s'appelait Karine. On a développé une excellente amitié avec lui. Mais lui, il était un fanatique de se faire payer en dessous de la table. Lui, il avait deux livres. Okay? Un livre pour ceux qui voulaient avoir une facture et un autre livre pour ceux qui payaient comptant. Et la façon que je les ai rencontrés, c'est lorsque il m'a offert d'être un de ses clients préférés qui allait toujours payer comptant et lui, j'allais faire partie de l'autre livre. J'ai dit non. Et à un moment donné, Karine m'a dit, mais Glenn, pourquoi veux-tu payer des impôts? Ben, de fil en aiguille, je n'ai pas simplement répondu à sa question. J'ai expliqué qu'il y a, même si on paye beaucoup, il y a un bien fondé de notre système d'imposition et j'ai nommé tous les services qu'on a. Et Karine m'a dit, Glenn, tu es la première personne qui m'a jamais expliqué le bien fondé des impôts. De fil en aiguille, on a eu un très bonne, comme j'ai dit, relation. Mais j'ai dit, à un moment donné, j'ai dit, Vortan, tu penses que le gouvernement est fou? Des fois, oui, mais il n'est pas stupide. OK? Si tu continues comme ça, tu vas te faire poigner. Et effectivement, il s'est fait poigner deux fois. Quand j'ai vu ça, ma première réaction, c'était de lui dire, Vortan, je t'ai dit. C'était pas trop bien de ma part. Parce que des fois, lorsqu'on voit les gens méchants réussir, comment agir? Mais ce texte nous dit, la seule façon de changer notre optique, c'est de se confier en Dieu et de faire de lui, notre préoccupation. Pour ainsi dire, nous connaissons tous les gens qui ont dit, « Je vais être jamais comme mon père. Je serai jamais comme ma mère. » Et qu'est-ce qui arrive dans la vie? On devient comme l'objet de nos émotions. Donc, lorsqu'on dit, « Ah, il est corrompu! » Qu'est-ce qui arrive? On devient comme eux. Mais si on se confie en Dieu, si on fait de Dieu notre délice, tout d'un coup, ses désirs deviennent nos désirs. Et ce qui est fascinant, c'est que Dieu donne. Dieu nous comble. Peut-être Dieu ne nous donne pas exactement 100% ce qu'on voulait originellement, mais le Dieu de la Bible, c'est un Dieu qui donne. Il a promis. Premier principe d'action, se confier en Dieu. Deuxième principe d'engagement, de mettre notre focus émotionnel, de faire de Dieu nos délices. Le troisième principe. Maintenant, l'auteur réoriente son optique. Les deux premières actions s'appliquent à ma personne. Mais maintenant, le troisième principe est orienté vers mes plans, mes actions. Et maintenant, le psaumiste dit, c'est à l'Éternel qu'il te faut remettre tout ton avenir. Dans beaucoup de textes, ça dit, recommande ton sort à l'Éternel. Donc, dans ma personne, je me confie en lui. Dans ma personne, je fais de lui mes délices. Maintenant, j'agis. Et il dit ici, on agit en donnant notre avenir, nos prochains pas, notre sort à lui. Et même l'image ici, dans l'hébreu, c'est l'idée qu'il y a une voie devant vous. Suive cette voie. Donc, la troisième action maintenant, c'est vraiment de tourner nos pas vers Dieu, de se confier en lui. Pierre va dire sensiblement la même chose dans 1 Pierre chapitre 5 et le verset 7, où nous allons remettre tous nos fardeaux sur lui. Parce que Dieu est digne de confiance. Et la raison pour laquelle je mets 5 et 6 ensemble comme troisième principe, parce que regardez qu'est-ce que Dieu va faire si on se confie en lui pour nos actions, si on recommande notre sort, si on suit ses pas. Le texte dit, il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à midi. Pour ainsi dire, lorsque nous remettons nos actions en lui, qu'est-ce qui va arriver? Maintenant, nous ne sommes pas bien placés ici au Québec, sauf dans les canicules des canicules, de bien comprendre le verset 6. Mais pensez-y, si vous êtes à Jérusalem, en plein midi, au mois d'août, qu'est-ce qui arrive avec le soleil? Ça brûle. Il fait chaud. Et le psaumiste dit que Dieu va faire paraître sa justice en nous comme le soleil en plein midi. Il fera apparaître ta justice comme la lumière. Julia, je ne sais pas si tu te souviens, mais lorsqu'elle était jeune, on faisait du camping et on était dans le Maine. Et on a décidé un bon matin de se lever, on a grimpé en montagne et c'est dans l'extrême est des États-Unis. Ça s'appelle Montagne Cadillac. C'est dans un parc national dans le Maine. Et c'est reconnu comme la première place aux États-Unis où le soleil se lève sur les États-Unis. C'est comme d'aller à Saint-Jean en Terre-Neuve et de voir le soleil se lever sur le Canada. Okay? Julia et moi étions là lorsqu'on a vu le soleil se lever. Vous avez tous vu le lever de soleil. Qu'est-ce qui arrive? Il est calme. Il est noir. Tout d'un coup, ça commence d'être un peu clair. Et tout d'un coup, comme ça, les rayons du soleil percent le noisseur et le jour arrive. Et le psaumiste dit, comme troisième principe, que lorsque nous remettons notre avenir, nos pas, nos voies, nos actions à lui, le texte dit, il fera paraître notre justice. Qui on est? Comme les rayons de soleil au lever du soleil ou comme le soleil à son plein midi à Jérusalem? se confier dans l'Éternel, mettre nos délices, notre joie, notre plaisir en lui, de mettre notre avenir entre ses mains. Et maintenant, le verset 7, le quatrième principe. Demeure en silence. Peut-être c'est le quatrième qui est le plus difficile aujourd'hui. Parce qu'on voit tellement de mal, on voit tellement de méchants, qu'on ne peut pas se tenir. Mais le verset 7 est vraiment la conclusion de la première partie du psaume, mais à l'envers. Parce que le texte dit « Demeure en silence devant l'Éternel, attends-toi à lui. » Et ensuite, le verset 1 et 2 sont répétés. « Ne t'irrite pas devant le succès qu'obtiennent les uns, ni devant les Russes qui déploient les autres. » Donc, le quatrième principe d'action, c'est de rester calme, de rester dans le silence et attendre que Dieu agisse pour nous. Donc, les principes d'action du psaume 37 ne sont pas simplement des actions de résignation. Non, c'est des actions. Et c'est des actions contre-culturelles. C'est des actions carrément différentes de ceux qui ne suivent pas Dieu comme maître. Et Dieu nous invite de placer notre confiance en lui, de trouver notre joie et notre action émotionnelle en lui, de remettre notre avenir devant lui et d'avoir confiance en lui dans le silence. Il va agir. Mais j'ai dit, notre contexte est tellement différent. Nous n'allons pas avoir le pays en possession. Notre but n'est pas d'avoir le Moyen-Orient comme notre pays, n'est pas d'avoir Palestine comme notre lieu de demeure. Qu'est-ce que le psalmiste veut communiquer? Dans les actions de Jésus, Jésus a remplacé l'idée de pays, de terre, de localité, terre promise, par le concept du règne de Dieu. Comme il a changé l'idée du temple à Jérusalem par nous, le peuple de Dieu, comme temple de Dieu. Comme il a changé la loi par le Saint-Esprit. Comme il a changé le peuple d'Israël par l'Église. Donc, lorsque nous lisons ici que nous allons avoir le pays comme possession, Dieu veut nous communiquer que nous allons faire partie de son règne et de son royaume. Et nous savons qu'à la croix, Dieu a enchaîné le malin. Il a détruit l'œuvre du malin. Les œuvres du diable ont été soumises à sa seigneurie. Et nous savons que la guerre a été gagnée, mais le combat continue. Mais que Dieu est Seigneur. Mais afin de réaliser le règne de Dieu, il faut pratiquer les quatre principes d'engagement. Peut-être ce matin, vous faites face au contexte ou aux situations où les méchants réussissent dans votre vécu, soit au travail, soit dans le quartier, soit dans votre vie émotionnelle. Peut-être il est difficile de se confier à Dieu aujourd'hui. Et le psaume 37, d'une façon sagesse, David nous invite de nous rendre compte qu'il y a un lien entre notre comportement quotidien et d'avoir Dieu et son règne comme possession. et il nous invite. Se confier en Dieu, de mettre nos délices en lui, de compter sur lui pour l'avenir et d'être silencieux devant lui. Parce que lui, il va agir. Donc, mes amis, on quitte ici et juste devant le bâtiment, on va voir pas des cônes oranges, mais une affiche orange. Mais trouvons notre plaisir en lui. Parce que lui, il veut agir. Prie. Seigneur, nous te remercions pour ce temps qu'on a passé ensemble ce matin. Sachant que nous nous trouvons dans un contexte à l'heure actuelle qui nous dérange. On n'est pas content. On voit tout ce qui se passe dans notre ville, dans notre province. Et nous sommes vraiment des fois énervés. Mais Seigneur, merci pour le psaume 37 qui nous invite de mettre toute notre confiance en toi. Car toi, tu tiens à tes promesses. Et nous sommes reconnaissants. Donc dirige-nous et sois avec nous aujourd'hui, sois avec nos familles, sois avec nos amis qui n'ont pas pu venir ce matin. Garde-les. Et nous prions ces choses au nom de Jésus. Amen. Bonne semaine.